Chérie doudou, sirop au miel. Je dors pas, j'ai pas sommeil. Troisième fois que je t'appelle, j'ai attendu toute la semaine. Je veux te voir en tête à tête. Mode avion, on déconnecte. Je veux devenir l'officiel, bébé dans ton petit cœur. Je veux être ta woman, ta woman, ta woman. D'habitude, je m'emballe, m'emballe pas. Quand je serai ta woman, ta woman, ta woman. Ça sera jamais toi sans moi. Bébé, vas-y, laisse ta garde. Elida la chera. Elida la chera. Elida la la. Elida la chera. Elida la chera. Elida la la. Tu vas aller où sans moi? Tu vas aller où sans moi? Tu vas aller où sans moi? Ma vie, je la ferai pas sans toi. Tu vas aller où sans moi? Tu vas aller où sans moi? Tu vas aller où sans moi? Ma vie, je la ferai pas en toi. Petit cœur qui s'emballait, à 200 voix de gauche, mets le paquet. Tes défauts, je m'en tapais. Je t'attends si tu veux faire le papier. J'ai pas besoin d'espace, difficile de m'en passer. Je veux faire les choses carrées. Je veux être ta woman, ta woman, ta woman. D'habitude je m'emballe, je m'emballe, je m'emballe pas. Quand je serai ta woman, ta woman, ta woman. Ça sera jamais toi sans moi. Bébé, vas-y, laisse ta garde. Delida la chera. Delida la chera. Tu vas aller où sans moi? Tu vas aller où sans moi? Tu vas aller où sans moi? Tu vas aller où sans moi? Tu vas aller où sans moi? Ma vie, je la ferai pas sans toi.